face, il y a de petits vieux. À deux mains tient le bras tenace, mais elle trébuche quand même un peu. Et pendant qu'il piétine si lentement tous les deux, moi futé, je devine qu'ils sont encore amoureux. Le couple se déplace comme de vieilles tortues. J'imagine tout de suite qu'ils s'enlacent cachés derrière ce coin de rue. Bavant comme des limaces, le cœur qui dégouline. Puis la journée se passe et voilà le soleil qui s'incline. Dans le sel prisonnier des cils, coulant de joie, larmes limpides, comme celles qui se tiennent en fil. Et je nous vois dans leurs fines rides, dans le sel prisonnier des cils, coulant de joie, larmes limpides, comme celles qui se tiennent en fil.